ce n'est qu'une histoire de gaga. Je lui ai fait confiance, moi. Et le fait qu'il m'ait laissé, ouais, ouais, ouais. J'ai pensé à me venger. J'en ai aussi fait des dégâts. Je veux pas son mal, moi. Il a réussi à me blesser, ouais, ouais, ouais. Avec des mots. L'homme est compliqué, ouais, c'est vrai, mes femmes. Vous n'êtes pas des anges, là, le problème, c'est vous deux. Et dis-moi pourquoi demander la vie de celle qui est célibataire. Le sort, vous êtes qui vous voulez. On a du mal avec le pardon, la fierté. Tu sais déjà, mais ça, c'est notre plus gros défaut. Et voir la femme qu'on aime partir sans pouvoir la retenir, c'est la chose la plus douloureuse. Fallait pas fauter, fauter. C'est sûr, je lui demanderai pas de revenir. Je me suis demandé, demandé. S'il a changé face à la faute que j'ai commis. Moi, je sais que je suis pas maniable. Il est aussi dur à manier. Ne me parlez pas de mariage. J'ai ma vie, il est la liée. Je sais pas comment lui dire ce que je ressens. Je sais pas comment lui dire. J'ai essayé de me remettre en question. Je sais pas comment lui dire. Je trouve jamais les bonnes solutions. J'ai parlé, trop parlé. Pourquoi se lâcher sans une vraie raison? J'ai parlé, trop parlé. L'homme est compliqué, ouais, c'est vrai, mes femmes. Vous n'êtes pas des anges, là, le problème, c'est vous deux. Et dis-moi pourquoi demander la vie de celle qui est célibataire. Le sort, vous êtes qui vous deux. On a du mal avec le pardon, la fierté. Tu sais déjà, ça, c'est notre plus grand défaut. Et voilà. Tout sans pouvoir la retenir, c'est la chose la plus douloureuse. Fallait pas fauter, fauter. C'est sûr, je lui demanderai pas de revenir. Je me suis demandé, demandé. S'il a changé face à la faute que j'ai commis. Moi, je sais que je suis pas maniable. Il est aussi dur à manier. Ne me parlez pas de mariage. De ma vie, il est la liée. Et c'est pas terminé. Il te veut, mais tu dois changer de comportement. Et pourquoi terminer une relation quand il y a des sentiments? Go go go. Et c'est pas terminé. Elle te veut mais tu dois changer de comportement. Go go go. Et pourquoi terminer une relation quand il y a des sentiments? Fallait pas fauter.